semblant d'oublier le présent. Page blanche pour l'homme vêtu de blanc. On se casse les dents. On ne sait plus quand c'est que Dieu a fait semblant d'épargner les vivants. Regarde, je suis en sang. Oh mon Dieu, redescends. J'ai prié et pourtant. Oh mon Dieu tout-puissant, je te regarde en face. Oh mon Dieu bienfaisant, ce n'était donc qu'une farce. Page blanche pour l'homme vêtu de